Ouais, je nique le racisme, en France et ailleurs, il est trop présent, tout ça pour une couleur, une histoire de sang. Il y en a eu dans le passé, et il y en a dans le présent, faut arrêter le délire, faut stopper ça maintenant. Qu'on soit noir, jaune, peur ou blanc, on a tous le même sang qui coule dans les veines. On partage les mêmes peines, on a tous la même haine. On a tous autant d'émotions, tous autant de raisons de vivre, tous autant de bonnes raisons. Il faut plus de compassion et moins de rejet dans cette société. Tous citoyens de ce pays, y a pas une race plus qu'une autre qui mérite d'être en vie, moi je te le dis. On est tous nés sur cette terre, on rêve tous sur cette terre. On a tous une famille au départ, on descend tous d'une mère et d'un père. Eh connard, qu'est-ce que t'as contre les noirs? Tu connais leur histoire, l'esclavage et l'abattage. Les blancs ont profité de leur supériorité. Alors faut pas s'étonner s'ils sont remontés depuis qu'ils ont retrouvé leur liberté. Mec, les stacks contre les gitans, t'es jaloux de leur liberté. Pendant toi t'es condamné, eux ils peuvent s'évader. Trop souvent rejetés, jalousés, insultés depuis longtemps. Alors faut pas s'étonner maintenant qu'ils aient la haine contre les cachés. Le racisme dans la sectaire, un putain de goût amer. Je te ramène en arrière. 1918, 40 millions de morts. 1945, 60 millions de morts. T'étais honteux, c'est qu'on te tue, c'était pas blond aux yeux bleus. Tout ça par la cause d'un fils de pute, le nom d'Adolf Hitler. Faire la connerie humaine est plus dangereuse qu'une bombe nucléaire. Y'a pas une race supérieure ou inférieure à une autre. La différence ne se voit pas à ta couleur, mais à ta mentalité. Et c'est pas d'oublier, qu'on soit noir, jaune, bleu ou blanc. On est tous frères, on a tous dans les veines la même couleur. Ce même liquide rouge qu'on appelle le sang. Le chien n'est pas le meilleur ami de l'homme, mais l'inverse, car parfois l'être humain, par son comportement, est encore plus violent qu'une bête sauvage. Eh gamin, de quoi tu te plains quand t'as pas les dernières Nike à la mode? Et tu pleures alors qu'un Éthiopien ne se plaint pas alors qu'il crève la dalle. Ça, ça m'écœure. Ouais, je nique le racisme, en France et ailleurs, il est trop présent. Tout ça pour une couleur, une histoire de sang. Il y en a eu dans le passé, et il y en a dans le présent. Faut arrêter le délire, faut stopper ça maintenant.